Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Bienvenue, si vous arrivez, 23h, heure française, 17h, heure québécoise. Dans un instant, on va partir au Québec pour retrouver Richard Glenn. Mais avant cela, voilà. Champagne, mesdames, messieurs, comme il se doit, nous fêtons le quart de siècle de notre réalisateur favori. Mathieu, bravo, je suis fier de toi. Ah bah merci. Et je suis fier de moi aussi. Hein, donc voilà. Champagne pour tout le monde. En tout cas, aux quatre coins du monde, il existe des hommes ou des femmes qui, comme moi, cherchent la vérité. Avant de retrouver l'une de ces personnes, Richard Glenn, un petit coup d'œil sur l'agenda. Julie. Bah, l'agenda, en dehors de l'anniversaire de Mathieu, ça fait deux petits jours qu'est sorti enfin le documentaire Sirius du docteur Stephen Greer. Il s'est déjà répandu partout sur le net et la bonne nouvelle, c'est qu'il propose une version avec ce titre en français. Ouais. On l'a regardé avec l'équipe de Bob vous dit toute la vérité. On vous prépare un petit débrief. Ce sera vendredi avec vos ufologues préférés. Bien sûr. Et c'est aujourd'hui que sort le nouveau livre de Clotilde d'Albepierre, Les 40 règles d'or pour pratiquer la magie en toute sécurité. On la reçoit mardi prochain pour en parler avec elle. Et samedi, deux dîners ufologiques, un à Rouen, un à Limoges. Toutes les infos sur lesrepaisufologiques.com. Merci Julie. L'univers mesure 46 milliards d'années-lumière. Croyez-vous vraiment que nous soyons seuls ? Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Certains font de la radio, d'autres de la télévision, mais tous ont envie de mettre en lumière la face cachée de la vie. Il fait partie de toutes ces personnalités curieuses et passionnées. En direct du Québec, je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Richard Glenn. Il n'est pas là, Richard on Glenn l'a perdu. Qui vient juste de couper un instant. Ah, en fait. Bah, vous savez, la liaison téléphonique, c'est loin. Il... Ah, bah, c'est la liaison qui est beau. Hein. Ah, bah, il y a les ours. Ah, mais les ours sortent d'hibernation. C'est ils rongent parfois les lignes téléphoniques. C'est des rongeurs, c'est vrai. L'ours est capricieux. Quoi qu'il en soit, mon Mathieu, je te. Écoute, merci beaucoup. Souhaite un bon anniversaire. Et à ta santé, mesdames et messieurs, nous buvons du champagne. Et d'ailleurs, santé, prospérité dans votre foyer. Oh, je dis ça, beau. Je dis rien, c'est très très beau. Alors, Richard Glenn, est-ce qu'on a récupéré Richard Glenn, bonsoir Richard. Richard, est-ce que vous êtes là? Richard Glenn, il n'est pas là. Non, Richard. Très loin, j'ai l'impression. Oui, je sais pas, Richard Glenn, mais vous savez, le Canada, c'est très très loin. Alors, raccroche et puis tu vas réessayer. C'est ça le direct, hein, parce qu'on est là tranquillement. Finalement, on se dit que tout va bien se passer, puis c'est le gros bordel, quoi. J'ai dit, mais c'est parce qu'on est complètement sous, en fait. Ben voilà, il faut dire ce qui est. Alors, est-ce que Richard Glenn est avec nous? On va regarder Julie. Oui, Richard, je vous ai récupéré. Ben oui, ça a tout l'air. Magnifique. Alors, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à votre Mathieu parce merci. Que il commence dans l'équipe. Je me trouve à voir des gens qui sont dans mon équipe depuis 1977. Ouf. Des gens qui avaient 25 ans, même qui étaient même encore plus jeunes que Mathieu au début. Magnifique. Et qui aujourd'hui en ont 40, 45 et même ils tournent le 50 ans. Alors, je vous souhaite longue vie à toi, Bob, ton équipe. Ouais. À la production et aussi à ton équipe, parce que c'est très important de garder des liens avec des gens qui naviguent dans les mêmes eaux que nous, parce que c'est très trouble souvent. Hein. Ben oui, ça c'est sûr. Alors, Richard, je tenais vraiment à vous accueillir avec beaucoup de plaisir, parce que vous qualifiez comme l'ésotériste du Nouveau Monde. Vous êtes l'animateur, le concepteur et le producteur de l'émission Ésotérisme expérimental au Québec. Vous avez animé une émission de télé sur cette belle province entre 1976 et 97, donc 20 ans à peu près. Puis, vous diffusez maintenant sur le net. Je sais d'ailleurs que vous avez un site sur lequel vos auditeurs peuvent écouter l'émission. En tout cas, on peut avoir accès à notre entretien. Vous êtes diplômé en psychologie et on va parler de quelque chose. Alors, c'est marrant pour un psychologue. On va parler des ovnis parce qu'il y a une grande part de psychologie finalement dans le phénomène ovni et dans le témoignage. Donc, j'imagine que lorsque vous avez abordé ce phénomène OVNI, votre vision du psychologue était très importante. Le phénomène OVNI, vos premières expériences finalement ont eu lieu en 1952. Vous savez ça, Richard? Oui, effectivement, lorsque j'étais tout jeune, je dois le dire en passant, la psychologie est extrêmement importante. Surtout, je me suis spécialisé en enfance inadaptée, les mésadaptés socio-affectifs, les MSA, ouais. C'est-à-dire ceux qui ont des problèmes d'adaptation avec la société. Et lorsque des gens se disent contactés, ont été mis en rapport avec le phénomène extraterrestre, de quelque nature que ce soit, ils ont beaucoup de difficultés à s'intégrer de manière ordinaire, normale dans la société de tout le monde. Et en plus, comme vous venez de le dire avec un autre de vos invités, la première attitude, c'est d'en ridiculiser les gens qui sont marginaux. Bien sûr. Et ensuite de les diaboliser. Mm-hmm. Alors de les faire passer pour des méchants, des dangers publics. Mm-hmm. Et plus tard, un jour viendra que là, on va les accepter, puis on va trouver ça tout à fait normal. Oui. Sans considérer toute l'étape de souffrance et de difficulté que ces contactés ont eu à vivre, à subir. Alors, après, comme on disait tantôt, 37 ans de production d'émissions de télévision, une heure par semaine, 1800 émissions, j'ai rencontré beaucoup de monde et j'ai rencontré aussi beaucoup de gens contactés. Il y a le côté public, le côté extérieur que tout le monde peut voir, mais il y a aussi, surtout, tout l'aspect psychologique, personnel. C'est pour ça que mon site s'intitule « Ésotérisme expérimental et expérientiel ». L'expérientiel est un terme reconnu dans les dictionnaires, on peut le retrouver. C'est l'expérience qui est vécue par la personne, qui ne peut pas être vérifiée dans les mêmes conditions, sous les mêmes expériences, on obtiendra les mêmes résultats. Non. Dans l'expérientiel, c'est unique, et c'est unique au moment, à la personne concernée. Mais on ne peut pas répéter la même expérience. Le contacté ne pourra pas dire « Bon, ben, j'ai rencontré des extraterrestres la nuit dernière, ils sont venus dans ma chambre à 3 heures, il s'est passé tel phénomène, puis demander à des laboratoires scientifiques de venir dans la chambre avec des appareils de mesure. » Bien sûr. Et d'attendre que la soucoupe ou l'extraterrestre revienne. Mmh. Mais les traces, les preuves, et surtout, comme me disait le psychiatre du Wyoming, il disait, évidemment, la preuve idéale et réelle, c'est le contacté lui-même qui en est la preuve. Mmh. On ne peut pas aller plus loin. Alors, Bob, on est dans un domaine extrêmement délicat, périlleux, parce qu'on est dans un univers où les gens doivent avoir toujours la preuve de laboratoire. Bien sûr. Qu'on mesure, qu'on pèse, qu'on touche. Alors qu'on est dans l'univers, c'est pas pour rien que mon émission s'appelle Ésotérisme expérimental et je ne me dis pas être un ufologue. Les ufologues cherchent les traces, courent les preuves. J'ai rencontré tous les grands noms dans l'ufologie, en commençant par le docteur J. Allen Hynek, projet Blue Book. Il m'a consulté pour un problème grave d'une soucoupe volante qui avait atterri aux États-Unis, à Puebla, au Nouveau-Mexique. Ah oui. Qui était resté les portes fermées et il ne savait pas comment faire ouvrir tout ça. Il a fallu entrer en contact par des contactés pour qu'il y ait un protocole qui s'établisse entre les extraterrestres. Mm-hmm. Et là, vous me comprenez bien, là. Mm-hmm. Et en rapport psychique, pour qu'il y ait un protocole qui puisse régler le problème. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, Bob, ce sont des sujets que j'ai abordés dans mes émissions. Mm-hmm. Il n'y aura rien qui est révélé de façon, sans permission. Mm-hmm. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des choses qui ont déjà été traitées, mais qui n'ont pas franchi l'Atlantique, j'imagine bien. Ouais. Alors, bien sûr, avant de traiter les cas que vous avez abordés dans vos émissions, sur lesquels vous avez travaillé, votre première expérience où elle a déclenché cette envie de savoir et de comprendre. Et vous avez, c'était en 1952, vous aviez 5 ans et demi, il s'est passé quelque chose. Alors déjà, racontez-nous votre expérience. Bon, parfait. Je tiens à dire que pendant qu'on fait l'entrevue ensemble, Bob, on retrouve sur mon site et sur la page d'accueil de mon site votre lien pour le public du Québec qui puisse vous retrouver immédiatement en onde. Ah ben c'est gentil. Magnifique. Et juste en dessous, il est marqué « Complément surprenant ». Et ça, c'est la façon d'agir que j'ai toujours utilisée puisque j'étais habitué au multimédia, à la télévision, et maintenant par Internet. Alors, autrement dit, quand je vais vous parler d'un sujet, il y aura des photos, même des vidéos qui seront disponibles parce que mon technicien qui s'appelle Gilles Surprenant, et c'est la raison pour laquelle on a appelé ça « Complément surprenant », il va ajouter au fur et à mesure de notre discours, de notre conversation, des photos, des images, des textes qui vont meubler et compléter tout ce qu'on est en train de se dire. Bah magnifique, parce alors, que moi j'y suis. Moi je suis sur la page. Mon aventure de 5 ans et demi, il y a eu un reportage qui a été fait par une télévision indépendante ici au Québec qu'ils appelaient Caméra 87. Donc en 1987, on avait tourné un topo d'à peu près 20 minutes sur le cas de Richard Glenn et son contact avec les extraterrestres. Alors, de tout jeune âge, à 5 ans et demi, effectivement, j'étais à la campagne loin de toute maison habitée à l'époque. J'étais au mois d'août, dans la région de Saint-Calixte, à 1 kilomètre de toute maison habitée. Ouais. Et dans un après-midi où il faisait un orage terrible, mm-hmm. j'étais quand même à jouer dehors dans le champ. Mm-hmm. J'appelle ça le carré de sable. Mm-hmm. Et je jouais avec mes petits camions. Alors j'attendais qu'il pleuve sur moi mm-hmm. pour rentrer au chalet. Mais il ne pleuvait toujours pas, alors que autour, je voyais qu'il pleuvait à boire debout. Et un être était debout. Ah. Il a bougé mon camion. Je me suis relevé la tête. J'ai vu que c'était une grosse tête, des grands yeux noirs. Ah. Et j'étais à 5 ans et demi, absolument pas effrayé. Pour moi, c'était... J'ai pensé, au moment que je l'ai vu la première fois, je me souviens d'avoir pensé que c'était comme un Chinois. Mm-hmm. Parce que c'était des personnages pas tellement grands, puis avec des yeux bridés. En amande. Alors j'ai cru que c'était un Chinois. Mmh. Alors, je lui ai demandé en parole, c'est toi qui l'as fait bouger? Mmh. Et aussi vite que je lui posais la question, aussi vite dans ma tête, j'avais une réponse, oui, continue à jouer, on va jouer avec toi. Bon, alors j'ai bougé mon camion, je me suis promené. Et là, j'ai vu les autres camions se mettre à bouger tout seul dans le terrain. Mmh. Et il m'a dit, dans ma tête, alors que je ne lui avais pas parlé et je ne l'entendais pas me parler, dans ma tête, il me dit, tu peux faire la même chose. C'est-à-dire quoi? On était Richard dans la transmission de pensée, dans la télépathie, finalement, là. Exactement, exactement. Ah. Alors, c'est pas une langue hein, non plus. C'est étrange d'expliquer la télépathie à des gens qui parlent, évidemment... une langue en pensant qu'il nous envoie des mots. Ouais. Il ne nous envoie pas des mots. On comprend le... C'est un peu comme si vous parliez à un Chinois, justement, qui ne vous ouais. parle pas français et vous, vous ne lui parlez pas chinois. En fait, il vous envoie des sentiments, finalement. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est une sensation intime qui nous permet de se saisir, de se comprendre. Mm. Et il me disait confiance. Tu sais, tous les mots qu'on pourrait dire en français, là, confiance, ouais. essaie toi-même. Tu vas faire la même chose. Alors, j'essaye, je me force. Il dit, force-toi pas. Fais-le. Ça me rappelle dans le film La Guerre des Étoiles, là, ouais. quand Luke Skywalker essaie de, devant Yoda, là, faire sortir le vaisseau là, qui est dans le lagon, là, ouais. puis, dans les marécages. Là, ouais. Puis tout d'un coup, là, il dit, faut pas que t'essayes, faut que tu le fasses. Ouais, c'est quand il est avec Yoda. Ouais, c'est ça. Avec Yoda, ouais, c'est ça. Ouais. Ben oui. Alors, ça s'est mis à bouger. Effectivement. Alors, écoute, Bob, c'est évident que après avoir vécu à plusieurs reprises, à 5 ans et demi, durant l'été, jusqu'au mois de septembre, jusqu'au milieu septembre, j'ai eu des rencontres régulièrement avec ces êtres-là. Il y a même eu plus que ça. Il y a eu... ils m'ont monté dans l'OVNI. Ah oui? J'ai même eu affaire à d'autres enfants qui, comme moi, avaient été amenés à bord de l'appareil. Mm-hmm. Et j'ai eu l'occasion à cette époque-là, à 5 ans et demi, de faire la connaissance d'une jeune fille qui s'appelait Joanne. Ouais. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Elle était avec des lulus, avec des petites boucles jaunes dans les cheveux. Ouais. Et Joanne, ça m'avait impressionné, le contact humain que j'avais eu avec Joanne à 5 ans et demi. Ouais. Et il faut que je vous dise que j'ai retrouvé Joanne il y a 2 ans, comme par hasard. Elle est venue vivre à Mont-Saint-Hilaire, où je demeure maintenant. Mm-hmm. Et on s'est contactés, on s'est retrouvés. Et c'est un bon et un mauvais signe en même temps, parce qu'ils nous avaient dit, ces êtres-là, vous vous retrouverez. Mais quand vous vous retrouverez, ce sera à l'époque où on viendra vous chercher. Ah bon? Alors, les choses ne sont pas passées rapidement, comme j'aurais pu croire. Quand j'ai rencontré Joanne, on s'est revus 2-3 fois depuis, et ça fait 2 ans. Mm-hmm. Alors, il y a quelque chose qui est en stand-by. Ouais. Je ne sais pas si l'expression est bien française. Si, on l'a aussi, celle-ci. Bon, d'accord. Alors, c'est sûr que le phénomène extraterrestre dont on entend parler par des chercheurs en ufologie, là, les ufologues. Ouais. Ils cherchent les traces, ils cherchent les preuves, ils cherchent... je pense qu'il y en a même qui sont ufologues en se disant un jour peut-être qu'on aura le cheval gagnant. On sera avec un contacté qui va nous amener à un rendez-vous, puis on va pouvoir assister soi-même à un contact. Mm-hmm. Par contre, il y a d'autres ufologues, j'en connais plusieurs, même ici au Québec, qui eux-mêmes ont vécu des expériences en bas âge ou très jeunes. Vous parliez du docteur Stephen Greer, que j'ai rencontré, d'ailleurs, on a discuté ensemble. Mm-hmm. Ben, Stephen Greer avoue qu'il a été contacté en très bas âge, lui aussi, et c'est la raison qui fait qu'un jour ou l'autre, on s'oriente inévitablement dans une profession qui va nous permettre de mieux saisir la problématique. Stephen Greer, il est un urgentiste, un urgentologue dans les hôpitaux. Il a quitté depuis plusieurs années maintenant parce qu'il s'occupe du phénomène extraterrestre et il a avoué qu'il avait été contacté très jeune. Et il dit maintenant, je sais que la situation de la planète Terre, elle demande des urgentologues. Et dites-moi, Richard, est-ce que vous avez demandé, puisque lorsque vous avez été contacté, est-ce que vous avez demandé pourquoi vous? Est-ce que vous vous êtes posé au moins cette question pour savoir pourquoi vous aviez été contacté? Oui, et c'est la question que beaucoup de gens se posent quand ils sont eux-mêmes contactés. N'oubliez pas que je ne parle à peu près jamais de mon cas. Oui. Dans l'émission Ésotérisme expérimental, d'abord, j'aurais pas fait long feu avec un gars qui raconte des choses comme ça. On aurait dit, écoute, où il attire l'attention sur lui, ou il est zoin-zoin un peu. Ouais. Non, j'ai reçu des gens, et évidemment, je l'ai laissé entendre que j'avais été contacté pour permettre justement à des gens d'avoir la sécurité en se disant, bon, on va parler à quelqu'un qui sait de quoi on parle. Bon. Alors, oui, pourquoi moi et pourquoi chacun qui sont contactés, même amenés à bord de secours volant, eux, pourquoi eux plutôt que d'autres? Ouais. Et pourquoi mon émission, qui est là depuis tant d'années, persiste et dure toujours? Elle était, elle est et elle sera encore. Parce que c'est équilibré, c'est pas fanatique, c'est pas prosélytisme dans un mouvement de religion, quoi que ce soit. C'est un endroit où, un peu comme à ton émission, les gens s'approchent et tu les fais parler d'eux. Mmh. C'est pas de convaincre le public de quelque chose. Ben voilà, c'est très important. Et c'est la recette gagnante. Et je vous souhaite vraiment longue vie parce que j'écoute tes émissions, évidemment. Hein. Ils sont accessibles pour tout le monde sur Internet. Et j'aime beaucoup la formule, et ça me fait penser exactement à ce que je faisais depuis 1976. Tous les sujets que vous avez traités, encore les savants maudits dont on parlait tantôt, ou l'énergie du pétrole, j'ai traité ces sujets-là avec aussi, parce que je peux me déplacer, je suis à côté des États-Unis, alors je vais aux États-Unis rencontrer les inventeurs, les congrès, les grands... on pense bien que c'est les Américains qui dirigent le monde. Voyons. Bon. Je veux pas blesser la fierté française. Mes parents étaient français d'origine. Ma mère, c'était une Leclerc. L-E-R-C, c'est on ne peut plus français. Oui. Et Glenn, ça vient de Bretagne. D'accord. Bon, en tout cas... on va continuer à parler de ces cas d'approcher. Alors, parmi les je voulais qu'on aborde un petit peu le cas Bud Hopkins, parce que vous l'avez rencontré, vous l'avez interviewé, et bien sûr ici, alors c'est vous avez plus de 20 ans à d'émission à la télévision, 37 ans de carrière, bien sûr, nous, l'émission elle a que quelques mois, et Bud Hopkins c'est quelqu'un dont on parle beaucoup ici. Quel a été votre ressenti face à Bud Hopkins, Richard? Oui, juste avant de parler de Bud Hopkins, je vais fermer le dossier de Stephen Greer, puisqu'on en a parlé, on n'en parlera probablement pas, même si vous en parlez un spécial vendredi. Oui, vendredi. Oui, exactement. Et ici, c'est très controversé, le milieu ufologique qui est en réaction. D'abord, on détruit le document de Stephen Greer sur le fameux petit personnage extraterrestre séché, là, qui semblerait pas être le cas, mais à travers tout ça, Stephen Greer a ouvert le dossier de l'ufologie vers l'écologie. Bien sûr. Alors, dans le dossier de Stephen Greer, il y a beaucoup plus d'explications écologiques que de le phénomène extraterrestre comme tel, là, le petit bonhomme. Bon, mais Stephen Greer, c'est un homme d'une grande probité et facile d'approche, honnête, sincère et agréable à parler. Et c'est le cas aussi de Bud Hopkins, d'accord, qui est décédé malheureusement déjà, il y a quelques années. Mais Bud Hopkins, que j'ai rencontré d'abord dans des congrès américains, puis je l'ai invité à venir ici au Québec, et il est venu à quelques reprises, il est venu donner des conférences un peu partout au Québec où je l'amenais. Et je peux vous conter une anecdote pour vous montrer à la fois l'importance d'un ufologue qui lui-même a vécu un contact. Alors, c'est un cas, lui. Bud Hopkins aussi. Alors, on a fait une tournée de conférences un peu partout à travers le Québec, dans des grandes villes, et dans une salle à peu près de 600-700 personnes, à guichet fermé, à Montréal, je lui préparais quelque chose de mémorable. Alors, mon Bud Hopkins, fait sa conférence avec sur un écran géant. On voit des films, des vidéos projetées et des diapositives. Mais juste avant que la conférence débute, mon argentier réglait les comptes avec Bob Hopkins. Tu sais, les frais de conférencier, on lui remettait sa bourse. Ouais. Il était donc prisonnier de la loge pendant que moi, je parlais au public pour le préparer. Ouais. Et là, vous allez voir sur le complément surprenant qui s'ajoute présentement sur Internet, l'événement avec Bob Hopkins. Car je dis à mon public que Bob Hopkins parle beaucoup du phénomène extraterrestre des petits gris avec les grands yeux noirs. Alors là, on venait de faire un film il y a peu de temps avec des enfants déguisés avec le costume d'un petit gris avec une grosse tête, des yeux noirs en amande, le portrait robot là, des petits gris. Là. Et je dis, voici, on en a un petit gris avec nous. Vous le voyez arriver sur la scène en toute obscurité. De la gauche, il va s'en aller vers la droite, là où Bob Hopkins est debout à tenir un micro et à commenter les films, les diapositives qu'il y a sur l'écran. Et je dis au public, ne réagissez pas du tout quand vous verrez le petit gris. Parce qu'il y a des contactés qui voient, et à côté d'eux, il y a d'autres personnes qui ne voient rien. Ouais. Alors, c'est comme s'ils étaient capables d'ouvrir comme une porte dans l'espace-temps pour qu'on puisse, par l'entrebâillement de la porte, voir l'être. Et les autres à côté regardent et disent, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vois? Il n'y a rien là. Ouais. Pourtant, il est là. Alors, j'ai joué la carte pour Bob Hopkins, sans savoir les conséquences que j'étais pour avoir. Le public avait donc été averti de ne pas regarder à gauche pendant que le petit extraterrestre marchait doucement, lentement, vers Bob Hopkins, tenant dans sa main un pointeur au laser rouge. Ouais. Et là, le public a bien joué le jeu. C'est mon public. Hein. Il faut dire que j'ai un public en or qui me connaît depuis de nombreuses années. Donc, on est capable de préparer un coup comme ça sans que Bob Hopkins ait eu aucune idée, aucun vent de ça. Ouais. Alors, il faisait sa conférence, mais là il aperçoit l'être qui s'approche de lui. Ouais. Là, il faut que je vous dise, Bob, que je ne savais pas que Bob Hopkins avait été lui-même mis en rapport avec les petits gris lorsqu'il était jeune. Lui aussi. Et il était marqué de ça. Ouais, et quand il a vu l'être apparaître sur le théâtre, sur la scène, devant 600-700 personnes dont personne ne regardait l'être, tout le monde continuait à regarder vers Bob Hopkins ou les diapositives qu'il y avait sur l'écran géant, et là, l'enfant avançait, il a commencé à paniquer. Ah ouais? Moi, j'étais derrière les rideaux et on filmait le tout avec la caméra pour mon émission de télévision. Et à un moment donné, j'ai senti que Bob était sur le bouton panique. Parce que pour lui, c'était un vrai extraterrestre qui était en train de se présenter dans la salle devant tout le monde. Il était sur le choc. Et je suis arrivé derrière lui et je lui ai mis la main sur l'épaule simplement pour le rassurer. Non, c'était le contraire. Il a sursauté. Oh, alors là, j'ai dit, Bob, hey, wow, minute, là, don't panic. C'est pas vrai, là. C'est un enfant. Là, il a repris son souffle à deux fois, et l'enfant s'est rapproché de nous, on a touché, on a montré, on a pris des photos, etc. Ouais. Vous pouvez voir maintenant là, sur le complément surprenant qui est sur le site. On n'a pas donné l'adresse pour les Français, ils ne savent pas quel site que c'est. Là, je ne sais pas si on est mieux de le donner maintenant. Ah, vous pouvez, allez-y, Richard. Bon, alors le site, c'est Ezoterisme, pas d'accent, pas de majuscule, c'est pour ça que je prononce ça avec Ezoterisme, Ezoterisme, exp.com. Le EXP, c'est pour expérimental, .com. Et sur la page d'accueil, Bob, j'ai mis votre logo. J'ai vu, je suis dessus, là, je regarde, je vois tout. Je vois même le complément sur. Si vous cliquez sur votre image, on tombe sur votre site. Exactement. Et si vous cliquez sur en dessous, il y a une phrase qui est écrite complément surprenant. Ouais. Et là, vous tombez sur le complément que mon ami Gilles Surprenant est en train d'ajouter. Ouais. Et les images, je ne sais pas, je vais aller voir, j'ai l'ordinateur devant moi. Je vais vous dire s'il a placé Bob Hopkins avec le petit gris. Il a mis Bob Hopkins à Montréal avec vous et le petit gris, finalement l'enfant qui joue le petit gris devant Bob Hopkins. Bon. Il y a tout ce que je sais pas, ça peut être utile, la technique que j'utilise avec vous présentement, c'est une première pour vous? Mais oui, c'est une première, donc c'est assez marrant de 2.0. Voir les photos qui arrivent, donc c'est du 2.0. Voilà. Exactement, il n'y a aucun problème. Ben, merveilleux. Alors, quand vous avez des invités qui ont des choses à montrer, ben, pourquoi pas procéder de la même façon? C'est formidable. C'est une idée. Alors, ben oui. Alors, donc, Bob Hopkins, c'est à ce moment-là. qui nous a avoué pour la première fois avoir eu lui-même un contact avec les petits gris en bas âge. Il est resté marqué, pour ne pas dire traumatisé. Ouais. Il a travaillé toute sa vie, alors qu'il était simplement artiste peintre, ridiculisé parce qu'il n'avait pas de diplôme universitaire en psychologie, etc. L'ufologie ne s'enseigne pas dans les écoles. Hein? Bien sûr. Ben oui. Alors, même pendant longtemps, en français, le mot ufologue, c'était pas français. Le mot ufologie existait, mais le mot ufologue n'existe pas. D'ailleurs, on rappelle, Richard, pour tous ceux qui viennent de débarquer, parce que moi, comme l'émission est nouvelle, il y a beaucoup de gens qui découvrent l'émission, que l'ufologie, c'est juste l'étude de ces cas d'objets volants non identifiés, de ces extraterrestres. Et, voilà, on appelle ça... Beaucoup de gens me disent, c'est quoi ufologue, c'est quoi l'ufologie? Voilà, c'est en tout cas... étudier tous ces phénomènes aérospatiaux non identifiés et ses contacts avec ces extraterrestres. Ça vient du terme anglais UFO. Exactement. Ufologie UFO qui veut dire Unidentified Flying Object, ça veut dire les objets volants non identifiés, tout simplement. Exactement. Ben oui. Et comme ésotérisme existe en français, mais un ésotériste, ça n'existe pas. C'est ça la langue française. Et pourtant, l'anglais, c'est la qualité de l'anglais, c'est que ça s'adapte extrêmement rapidement, alors que le français, il faut aller voir les immortels là, pour qu'ils décident. Alors, Bud Hopkins était à vos côtés. Donc, vous avez pris conscience que finalement, lui aussi avait été contacté lorsqu'il était enfant, donc traumatisé. Oui. Et c'est ce qui a fait finalement qu'il a passé sa vie à essayer de comprendre ce phénomène OVNI et extraterrestre. Ben, voilà. Alors, voyez venir ma question, Bob. Je sais que c'est moi l'interviewé, mais là, je vais vous interviewer. Je sais pas, moi, c'est mon habitude. Allez-y. Vous, Bob, vous avez vécu quelque chose de pas naturel, de paranormal? Moi, j'ai vécu quelque chose de paranormal, mais rien à voir avec le dossier OVNI. C'était un voyage astral. Donc voilà, je l'ai déjà raconté ici. J'ai vécu une décorporation un soir en rentrant justement de Los Angeles où j'étais très, très fatigué. Oui. Et alors que j'étais allongé avec ma femme, j'ai vécu cette sortie de corps qui a été assez surprenante, et d'autant plus qu'un mois plus tard, je l'ai déjà raconté ici, j'discutais avec ma tante qui était très branchée méditation, ésotérisme, etc., et qui avait, semble-t-il, lors d'un séminaire en Suisse, alors que moi j'étais à Paris, travaillé pour que je fasse cette sortie de corps. Donc c'est ce qui m'a le plus finalement scotché dans cette aventure un peu ésotérique et paranormale. Alors, on va faire un lien avec le phénomène OVNI, le phénomène soucoupe volante ou extraterrestre. J'ai des spécialistes qui nous expliquent la différence entre en physique et physiquement. On dira en anglais « in-physical » or « physically ». Alors, des extraterrestres peuvent nous visiter en projection, vous diriez « astral ». Alors, à ce moment-là, c'est comme, je sais pas moi, une image dans votre cerveau, dans votre tête. Mais d'autre part, il y a des êtres qui se projettent et qui peuvent agir sur la matière. Un des trucs qu'on utilise, on place un verre d'eau sur le comptoir de la cuisine au moment où on va aller se coucher, mais rempli à ras-bord. Un verre d'eau, là, où il y a une bulle d'eau qui dépasse. Là, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il suffirait d'une goutte de plus pour que ça déborde. Ouais. Et... durant la nuit, s'il y a la visite du phénomène extraterrestre ou d'autres, ça peut être même style fantôme, parce qu'ils vont être capables d'agir un peu comme dans le film Mon fantôme d'amour, vous l'avez probablement vu, quand ils réussissent dans la station de métro à faire bouger là, des couvercles de bouteilles de bière. C'était Ghost en français. Nous, on a eu ça en français, c'était Ghost, le film. Ghost? Ouais, en français, vous, le fantôme d'amour, chez nous, c'était Ghost, voilà. Ah, bah oui, ça fait plus français, c'est vrai. Oui, oui. Ah, donc ça c'est intéressant de voir que vous êtes la old mother country, vous êtes les vieux pays pour nous, c'est pour ça que je dis l'ésotériste du nouveau monde. Mais bien sûr. Nous, en Amérique, bon, on peut appeler ça le nouveau monde depuis Christophe Colomb. Alors c'est pour ça que j'ai pris le terme, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça en pleine conférence à un moment donné. D'ailleurs, un Français qui était venu comme invité. J'ai reçu beaucoup de Français. Hein? Oui, je sais bien. Ouais. Jean-Pierre Petit, je sais pas, il fait partie de vos fans, hein? Ah oui, Jean-Pierre Petit fait partie de nos fans. Ben, on m'a dit ça tantôt, un des recherchistes. Et Jean-Pierre doit se souvenir d'un jour où on s'est fait arrêter par la police parce qu'on était comme en soucoupe volante au-dessus du Québec. Et puis les gendarmes nous ont arrêtés parce qu'on allait un peu trop vite sur l'autoroute Québec-Montréal. Ouais. Et là, on baisse la vitre, et puis le gendarme s'approche, puis ils me reconnaissent, oui. Parce que Glenn est connu partout dans le Québec. Oui. Et ils se penchent, puis ils aperçoivent Jean-Pierre Petit, mm-hmm. étant donné qu'il était passé sur mon émission la semaine d'avant, mm-hmm. c'était la vedette à ce moment-là, ici au Québec. Mm-hmm. Et là, les deux gendarmes se sont regardés, il a tapé sur le toit de mon automobile, puis là, il a dit, écoutez, là, M. Glenn, là, vous n'êtes pas en soucoupe volante, là, hein? Alors, j'imagine que notre ami Jean-Pierre, il doit très bien se souvenir de l'événement. C'était spécial, hein? D'accord. Ah oui. Ben, j'espère, j'adorerais le recevoir, hein, Jean-Pierre Petit. Alors, c'est vrai qu'il ne veut plus faire beaucoup de radio et de télévision. Mais en tout cas, si Jean-Pierre Petit, vous m'écoutez, vous êtes le bienvenu et j'adorerais vous recevoir. Donc, et par téléphone, c'est tellement simple. Exactement. Vous restez chez vous tranquillement et j'arrive à vous interviewer. On passe une heure à discuter. Alors, on va. Regardez, Bob, oui. comment vous laissez la personne s'exprimer. Mm-hmm. Vous ne m'avez pas interrompu, vous ne me ridiculisez pas. Jean-Pierre, inquiétez-vous pas. Ah non, mais moi je le dis souvent, Richard, j'expose et les gens disposent, et mon but c'est pas de vous ridiculiser, mais moi mon but surtout c'est de comprendre et de découvrir. Voilà. Et je suis sûr, Bob, que vous allez découvrir, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit, frappez et on vous ouvrira. Celui qui cherche trouvera. Ben, j'espère trouver. Tantôt, on a entendu des belles choses sur la médecine parallèle, ouais. mais. Vous allez être confronté un jour, comme moi je l'ai été avec les hommes en noir, ou autrement, dans des censures qui arriveront, parce que pourquoi j'étais sur une télévision marginale, où j'étais mon propre producteur, ouais. etc., parce que je ne voulais pas me plier aux dictates des grands médias conventionnels. Et maintenant, avec Internet, mais c'est la liberté totale, mon cher. Alors, Richard, moi j'ai la chance d'être le producteur de cette émission, donc pour l'instant, j'ai une liberté total sur les thèmes. Pour l'instant, on a été confronté visiblement une fois déjà au Man in Black, et c'est même pas moi, c'est Mathieu qui, oui. en sortant de la radio, a vu une voiture noire devant la station, à l'arrêt, le fixant, visiblement en cherchant dans la direction de la radio, oui. Peut-être attendant que je sorte. Et puis, j'ai reçu déjà quelques coups de fil très désagréables, quelques menaces. Et puis, j'ai aussi une personne, une femme ici, qui est venue pour me frapper. Donc voilà, en seulement 6 mois. Hein. Donc j'imagine, voilà, vous, en 37 ans de carrière. Donc on n'en est qu'au début. Oui, ben je me suis équipé de caméras de surveillance tout autour de la maison, d'enregistrement de tout ce qui se fait au téléphone, mm-hmm. Et aussi des manières de pouvoir prendre tous les messages qu'on reçoit sur Internet ou par le email. Ouais. Vous appelez ça le email, nous on appelle ça le courriel. Ouais, ouais. C'est le courrier électronique. Mmh. Et à ce moment-là, il faut se protéger au maximum avec un téléphone intelligent sur soi qui nous permet très rapidement de prendre une photo. Parce que quand Mathieu a été intimidé, disons-le, là, il aurait pu très bien prendre la licence, la plaque d'immatriculation. Je suis parti assez rapidement. Hein. Mais vous savez, on est encore pas véritablement au fait de tout cela, et on découvre tout ce que cela peut engendrer comme petit problème. Alors, on va peut-être, Richard, évoquer le cas de Puebla, parce qu'on l'a un petit peu survolé tout à l'heure. Mais en tout cas, j'aimerais signaler à tous ceux qui viennent d'arriver que ce soir, nous parlons ufologie, OVNI, avec Richard Glenn, qui est en direct du Québec. L'univers mesure 46 milliards d'années-lumière. Croyez-vous vraiment que nous soyons seuls ? Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Richard Glenn, en direct de Québec. Vous pouvez aller sur son site, Ésotérisme Expérimental. Richard, le cas, l'affaire Puebla, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Ouais, très peu, parce que je n'ai pas été personnellement jusqu'à Puebla. Ouais. Mais j'ai reçu un contacté français dont je tairai le nom. J'ai vu que c'était préférable de ne pas le mentionner présentement, et qui était capable d'aider les Américains, mm-hmm. par le contact psychique avec les extraterrestres. Tout ce que j'ai fait, c'est que cet homme-là, d'abord, on l'a vérifié ici en tant que ses prétentions, c'est dire qu'il était contacté et tout ça, on l'a vérifié sur différents aspects, mm-hmm. et je l'ai conduit à New York. Il mm-hmm. faut dire que New York, ici, c'est comme Paris-Bordeaux, hein, c'est pas plus loin que ça. Ah ouais. Alors, j'étais le conduire et il y avait un hélicoptère sur le toit de l'hôtel Americana Hotel qui l'attendait. Et il a été conduit plus loin pour aller régler le problème. Et c'est effectivement une clé psychique que ça prenait pour que les choses se règlent. Et on sait que c'est le docteur Andrea Poharic, celui qui s'est occupé de Yuri Geller, et je sais que vous avez parlé de Yuri Geller aussi de façon très positive, au lieu de dire que c'était un fumiste, un patenteux. Non, non, Yuri Geller, à très bas âge, avait été contacté sur une des plages d'Israël, et il a été contacté toute sa vie. On, on en a parlé avec Ludovic Chapier cette semaine, lundi. Oui, bon, voyez. Il vous a confirmé tout ça, là, que c'était, c'était pas un fumiste, qu'il y avait eu des contacts avec le phénomène extraterrestre. Poharic, lui-même, quand j'ai eu des contacts avec Andrea Poharic, qui est... il faut que je vous dise, Bob, attendez-vous à ceci. Là. Toute personne qui s'implique dans le phénomène ufologique de manière positive vont recevoir un jour ou l'autre une confirmation qu'ils sont sous bonne écoute, sous pas bonne garde, mais j'allais presque dire protégés. Le phénomène extraterrestre n'a pas le droit d'intervenir de façon ouverte dans la société, la civilisation humaine. On doit faire nos classes, on doit gagner notre pain, et seulement au cas d'un risque de conflit et de destruction massive planétaire, à ce moment-là, ils viendront faire une arche de Noé comme ils en ont fait une il y a très longtemps. Mais pour le moment, les gens qui travaillent de manière positive à faire avancer la conscience du monde, à faire avancer la compréhension du phénomène extraterrestre, sans faire de religion, de secte, mais qui veulent, justement, comme vous faites, simplement donner de l'information pour que les gens fassent le propre cheminement. Ben, ces gens-là, un jour ou l'autre, ressentent la présence de ces êtres pour les aider, pour les protéger, pour les pistonner, les mettre sur une bonne piste. Et lorsque je devais rencontrer Andrea Poharic, j'étais en pleine conférence et on se préparait à enregistrer l'émission de télévision devant public, parce que je fais presque toujours mes émissions devant public. Et au moment où j'arrive pour finir une introduction avec un ou deux invités pour l'émission, avant de faire l'émission comme telle, je demande à mes invités de s'exprimer devant le public pendant une demi-heure, trois quarts d'heure chacun. Et après, quand on fait l'émission, c'est riche d'informations. On sait de quoi ils vont parler, on sait comment cerner pour aller droit au but rapidement. Alors, j'ai un message qui me dit dans ma tête, Andrea Poharic est à Montréal. Si tu vas suivre nos indications, on va te conduire à son hôtel. Je n'avais aucune espèce d'idée où il pouvait être dans Montréal. Et avec moi, Louise Courteau, la directrice d'une maison d'édition très connue au Québec, qui publie beaucoup de livres dans le phénomène soucoupe volante, extraterrestre, et aussi conspiration, tout ce qui est marginal. Ben, elle embarque avec moi dans l'automobile et on part. Et on part comme ça, sans but. Là. On s'en va en se disant, bon, tourne à gauche. Continue. Troisième lumière, tu tournes à droite. OK, on tourne. On arrive et on finalement, ils nous font tourner dans une ruelle. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Ruelle, c'est le mot français? Oui, une ruelle, oui. Et tout ça, ce sont des vous avez la sensation d'être guidé finalement par une force extraterrestre, par un message, quoi, c'est ça? Très précisément. Et on arrive dans le bout de la ruelle. Il y a un mur. Et à côté, à droite, il y a une très grande porte de garage qui s'ouvre. Alors, je m'attendais de voir quelque chose sortir de ce garage-là. Il n'y avait rien. Aucune auto sortait, ni camion, ni rien. Alors, je tourne mon automobile et je rentre dans le sous-sol, qui était le stationnement souterrain de l'hôtel et le Crown Plaza de Montréal sur la rue Sherbrooke. Et là, pour les gens qui voudraient vérifier, là, c'est vraiment un garage souterrain qui est derrière l'hôtel, mais en sous-bassement, parce que c'est sur une pente. Et le devant de l'hôtel est sur la rue Sherbrooke. Et deux étages plus bas, dans la pente, en bas, c'est le garage. Oui. J'entre dans le garage, je stationne, je sors de mon auto avec Louise Courteau. On s'en va vers l'ascenseur en se disant, ben, c'est peut-être ici. Et dans ma tête, on me dit, c'est bon. Mais on ne dit pas c'est bon, hein, c'est pas en français, c'est un feeling. On pèse sur le bouton de l'ascenseur, la porte ouvre. Qui est dans l'ascenseur seul? Andrea Poharic. Et Andrea Poharic est venu en avion à Montréal. Il n'y a pas d'auto. Il n'y avait absolument pas de raison d'être dans le garage de l'hôtel. Et là, je lui dis, hey, Andrea Poharic, vous vous souvenez de moi, Richard Glenn? Bon, ben alors, je suis venu ici pour vous kidnapper. Juste pour faire drôle. Ben oui, il dit, je suis d'accord, je vous retrouve, il faut juste que j'avertisse les gens de l'hôtel que je pars avec vous et on revient dans combien de temps? J'ai dit, dans une heure et demie, tout va être terminé, on aura fait une entrevue de télévision extraordinaire et on a parlé avec lui des Space Kids. Ouais. C'est-à-dire les enfants qui sont un bridage entre le phénomène extraterrestre et des humains. Les hybrides, quoi. Il y en a quoi. Beaucoup. Voilà, et c'était d'ailleurs la spécialité de Bob Hopkins dont on parlait tantôt. Les enfants hybrides, c'est ce qu'on en parle les assez souvent. Les enfants hybrides. C'est ça, ouais. C'est quand même hallucinant parce que là vous avez la sensation finalement que toute votre vie, elle a été, comme vous disiez, pas surveillée, mais en tout cas regardée et avec, espionnée gentiment par ces forces extraterrestres. Dans 4-5 ans, Bud, vous me direz la même chose. Si vous continuez toujours dans la piste de faire valoir le phénomène extraterrestre de manière honnête, ça va vous arriver aussi d'avoir une sensation des hasards. Mathieu lui-même, vos recherchistes vont vivre la même chose. Ils vont avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui guide. Il y a des hasards qui ne sont pas des hasards. Et pourquoi ça se produit maintenant, à ce moment-là? Des incultes vous diront, c'est un hasard. Bon, oui, c'est tout le temps des hasards. Oui, mais c'est tellement de hasards qui s'accumulent les uns sur les autres qu'à un moment donné... T'sais, je parlais de Mme Louise Courteau. On était dans l'époque de Noël, réunis un groupe d'amis dans un chalet dans les Laurentides, dans les montagnes. Mm-hmm. Et à minuit, je reçois un message de contact avec le phénomène extraterrestre. L'OVNI vient proche de maison. Il y a une vibration et panne d'électricité complète sur la maison. On regarde par les fenêtres et on voit un peu plus loin, les chalets ont toute la lumière. C'est seulement ici qu'il n'y en avait pas. Bon. Et on fait un échange télépathique avec ces êtres-là pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, d'échange, questions-réponses, etc. Et à un moment donné, ils disent, écoutez, on doit vous quitter rapidement parce que il y aura un tremblement de terre dans la province de Québec, à une certaine distance de là où on était, à quelques 700 kilomètres, je crois. Et ils nous quittent. Le lendemain, dans les journaux, le tremblement de terre qui avait eu lieu dans Charlevoix. Alors, on va dire encore un hasard. Oui. Oui. Mais les amis qui étaient là, dont des scientifiques qui étaient réunis, étaient pas du tout croyants. Ils laissaient porter. Ils posaient des questions de nature scientifique avec des réponses étranges. C'est une façon qui va permettre à l'humanité de changer comme un saut quantique. L'ancien monde, je vous écoutais avec la bataille du pétrole. Oui. Mais c'est l'ancien monde, hein, les carburants fossiles, on s'en va vers quelque chose. Et d'ailleurs, le document de Stephen Greer de cette semaine, là, ouais, Sirius, ouais. Ben, il fait l'apologie de toutes ces technologies propres, gratuites et universelles. Alors, on va arrêter de parler de Stephen Greer qui a essayé de présenter l'ADN d'un petit extraterrestre chétif. Richard, ça m'amène justement dans tout le document qui dure plus d'une heure et demie. Ça m'amène à justement cette polémique autour de ce film Sirius. On a la sensation que quelles que soient les choses que l'on fait, quel que soit ce que l'on veut démontrer, le CQFD, vous savez, l'ufologie est tellement synonyme de croyance. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je m'en aperçois, que finalement, lui a le droit de dire ça, l'autre a pas le droit de le dire. Stephen Greer est à démonter, Jean-Pierre Petit a raison, Jimmy Guilleux avait raison, Jack Crean a pas raison. Ouais, on a la sensation que quoi qu'il en soit, personne ne peut se mettre d'accord. Et moi, c'est le truc que je me dis, mais comment on va pouvoir avancer? Comment on va pouvoir finalement montrer aux sceptiques, justement, parce que cette guerre, elle alimente le scepticisme. Vous voyez ce que je veux dire? Ben Bob, c'est pas compliqué, il faut agir comme tu agis toi-même. C'est-à-dire, il faut faire et laisser braire. On fait, on présente, on avance. Et il y a les autres qui n'avancent pas, il y a les autres qui veulent être certains qu'ils sont certains, et ils veulent avoir la preuve, ils veulent être l'élu, etc. Ben non. Il y a plein d'élus, il y a plein de gens qui ont eu des expériences, et ils vont s'approcher de vous D'autant plus qu'ils vont sentir que vous n'êtes pas arrogant, que vous leur laissez la parole. Mmh. Et avec le temps, vous allez vous spécialiser, vous allez devenir très compétent et vous allez voir comme vous allez être gagnant. Et le public est gagnant de vous écouter. Avec le temps, on se dit, bon, enfin, c'est pas quelqu'un qui essaye de nous endoctriner ou qui veut nous vendre un truc. Non, c'est simplement, on s'ouvre l'esprit, on fait parler des gens qui n'ont pas la parole ailleurs. Moi, j'ai reçu des grands, grands noms. Moi, j'en reviens pas quand on m'a appris que Jean Herbert, qui est un Français, qui est ambassadeur de la France en Inde pendant de nombreuses années, qui est devenu un spécialiste de l'Orient, des techniques orientales. Il est décédé maintenant depuis de nombreuses années, mais Jean Herbert m'a accordé une des trois entrevues qui a été faite dans sa vie hier à la télévision. Pourquoi? Parce qu'on a une présence. On a une honnêteté intérieure profonde. Et vous savez, le phénomène extraterrestre, c'est un tabou. Ah oui, bien sûr. Ça dérange d'abord les religions. Ah non, mais et puis vous savez, Richard, moi je suis ici, l'émission... J'ai eu à peine quelques articles qu'on parlait de l'émission. Je me fais souvent agresser sur Internet parce que encore une fois, comme je suis, je laisse parler tout le monde et que je ne fais pas part de mes convictions et de mes croyances et que de toute façon, moi, ma vraie croyance c'est la curiosité. Eh bien, je me fais insulter, je me fais engueuler à droite à gauche et le truc, je me dis, mais c'est quand même hallucinant que quand on fait quelque chose, on fait chier, et quand on fait rien, ça fait chier. Et quoi qu'il en soit, je me dis, bon, oui, c'est ça. Ouais, c'est sûr, mais oui, mais c'est le dû de tous les explorateurs. Hein, ils reviennent en disant, la Terre est ronde, elle n'est pas plate. Bah oui, ben non. C'est pour ça que je dis à tous mes auditeurs, profitez des réseaux sociaux pour parler de l'émission, parce que les autres, en tout cas, ceux qui ont la plume et qui peuvent parler de moi, ne le feront pas, parce que ça dérange. Parce qu'on est sur quelque chose qui dérange, parce qu'on peut pas confirmer, on peut pas affirmer. En tout cas, les gens veulent pas avoir des positions. Donc, je dis à mes auditeurs, faites-le, parlez-en autour de vous, donnez l'info, Bob, dites que voilà. Bob, je vais te dire que tout mon public va avoir accès à votre site rapidement, puisque sur la page d'accueil de mon site, ça sera pas la grande image qu'on voit présentement, parce qu'évidemment, là, on l'a mis en surimpression pour que ça attire l'attention, mais elle va être sur la page d'accueil. Tant qu'on fera affaire ensemble, je vais vous mettre dans les rares liens, car j'ai seulement deux liens. Un qui s'appelle Conscience du peuple, parce que je sais par qui il est construit ce site-là, et c'est justement pour élever la conscience du peuple. Et puis le vôtre, je vais le placer aussi. Ben, c'est gentil. Parce que j'ai écouté vos émissions. Un peu comme moi au début, il y a un peu de tout. Il y a des fois des tireuses de bonne aventure, des cartomanciens, il y a des charlatans, il y a des gens moins charlatans, mais il y a des gens scientifiques, il y a des gens très sérieux et très compétents. Mm-hmm. Et c'est au public de faire la part des choses. Exactement. C'est ce que je dis. C'est ça. J'expose, vous disposez. Voilà, c'est à vous aussi. Moi, j'adore le libre arbitre, vous savez, Richard. Je me dis, finalement, chacun est là. Vous savez, c'est un comme la religion. Les gens font ce qu'ils veulent. Il y en a qui croient en Dieu, d'autres en Allah, l'autre à Mahomet, un machin, à qui vous voulez. Je m'en fous, moi. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Le libre arbitre, c'est la plus belle des croyances, finalement. Et laissons le libre arbitre aux gens. Et c'est un peu pareil pour le dossier OVNI, pour le phénomène paranormaux. Voilà. Moi, j'expose, je suis curieux, je vous montre, je dis pourquoi lui il aurait raison, pourquoi l'autre il aurait tort. Non, parlez, et puis vous, chez vous, derrière votre poste, faites-vous votre propre opinion. Je crois que c'est la plus belle des choses, non, Richard? Ah ben oui, puis comment pouvoir ridiculiser quelqu'un qui raconte un vécu, alors qu'on n'a pas eu ce vécu-là, on ne peut pas le ridiculiser. C'est comme dire, quelqu'un arrive d'Afrique en disant, j'ai vu des animaux dont le cou est très, très, très long. On appelle ça des girafes. Mais avant qu'il y ait la photographie, avant qu'il y ait le cinéma, et puis qu'on les voit comme on les voit dans les zoos, les premiers qui sont arrivés avec cette expérience-là, on a ri d'eux. Vous savez, Marco Polo, quand il est revenu, il a fait un tour en prison. Hein. Ah, bien sûr. Hein, hein. Et pourquoi, Richard, le phénomène OVNI, il exacerbe autant, c'est-à-dire que voilà, on est dans le paradoxe, ça fascine. On voit que Hollywood fait des films sur les ovnis, des séries sur les extraterrestres, ça fascine tout le monde. Et dès qu'on est dans un média ou dans entre guillemets la réalité, ça dérange. Pourquoi ça? Vous pouvez me le dire, ça? Oui, il y a trois raisons. et je vais y aller par la plus importante. Le phénomène extraterrestre est en lui-même multidimensionnel. Il n'y a pas qu'une race extraterrestre, il n'y a pas qu'une hégémonie extraterrestre ou une obédience extraterrestre. Alors, il y a des, j'allais dire, pas des conflits, mais il y a des tiraillements à l'intérieur. Les Américains ont affaire à une catégorie d'êtres extraterrestres avec lesquels ils ont fait des ententes, des arrangements, des contrats à la Deuxième Guerre mondiale. On sait qu'avant, Hitler, lui, avec son mouvement nazi, c'est bon à rien, était en rapport avec le Tibet, la société de Thulé et tout le reste. Alors, ils étaient, eux, à fabriquer des Hanibou, ce qui veut dire des rendez-vous, des soucoupes volantes de différentes grandeurs. Et ces alliances-là qui sont faites avec différents peuples sur la Terre, ils savent, eux, qu'on est divisé par les religions, qu'on est divisé par... Autrefois, c'était par les océans, par les chaînes de montagnes. Maintenant, on est tous un village global. Et c'est pour ça que maintenant... C'est le moment de la grande révélation que d'autres appellent l'apocalypse, là, mais sans parler religion, là, c'est le moment de la révélation où les choses sortent. Là. On se rend compte que lui pense comme ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça. Et à un moment donné, l'archéologie interdite, j'ai déjà reçu des spécialistes de, on l'appelle en anglais, le forbidden archaeology, l'archéologie interdite, où on voit bien qu'il y a 20 000 ans, il y a 40 000 ans, il y a 300 000 ans, il y avait une civilisation sur la Terre. Mais on retourne au secret des grandes pyramides. J'ai adoré là, la série que vous avez faite avec... Avec Jacques Grimaud et Patrice Pouillard, la révélation des pyramides. Voilà, c'est génial. Ils sont sur une piste, puis ils nous ouvrent l'esprit. Mais il y a des sauts quantiques à faire sur le passé, comme on en fera pour le futur aussi. Et alors donc, je vous disais que la première raison, c'est que le phénomène extraterrestre lui-même n'est pas monolithique. Le monolithe qu'on voyait dans le film 2000 ans d'ici de l'espace, c'est beau le monolithe, mais il faut se rendre sur la Lune ou sur Jupiter. Mais en fait, quand on sera monolithique humain, une religion, une langue, peut-être même pas une religion, ben une religion, mais une spiritualité plutôt que des rituels chacun de leur côté, et une langue et un monde, une planète. Peut-être qu'à ce moment-là, ça sera facile d'en parler. Mais pour le moment, ils respectent notre diversité et ils respectent notre lenteur d'évolution. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. La deuxième, c'est les pouvoirs qui sont en place, qui ne veulent pas perdre leurs attributs. Mais c'est ça. Ils ont le pouvoir religieux, économique, militaire, médical. Ouais, bien sûr. Ils ne sont pas prêts à laisser. Écoutez, des cas extraordinaires, on en a même ici au Québec, amenée à bord d'une soucoupe volante, elle ressort, elle est guérie complètement. Et tout ce qu'on dit, c'est un miracle de la Sainte Vierge. Je n'allais pas dire que c'est extraterrestre. Ils acceptent plus qu'on dit c'est un miracle de la Sainte Vierge que de dire que ce sont des êtres qui sont arrivés d'une autre dimension, qui sont matérialisés, qui ont pris la personne, l'ont monté à bord, l'ont soigné, puis... Oui, parce que ça, c'est un truc assez incroyable aussi, Richard. C'est-à-dire qu'on accepte éventuellement que la Vierge Marie, et j'ai rien contre, au contraire, hein, c'est... Non, c'est ça. elle guérisse quelque chose, on va à Lourdes, on a un miracle, etc. Et par contre, on n'accepte pas, par exemple, que quelqu'un dise avoir été emmené dans un vaisseau extraterrestre en revenant guéri. Mais et ça, je trouve ça, assez, parce que pour moi, les deux sont des choses paranormales. Hein, donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et la troisième raison qui fait que on a beaucoup de difficultés à faire passer le message ou la réalité ou cette prise de conscience de manière pacifique, c'est l'ego. L'ego de chaque individu qui se dit pourquoi pas moi, pourquoi toi t'as rencontré ces êtres, pas moi. J'ai pas encore répondu à la question réellement, totalement, mais il y a peut-être des raisons génétiques, il y a peut-être des raisons d'être à la bonne place au bon moment, tout simplement. Et il y a peut-être des raisons d'urgence où ils vont rencontrer quelqu'un parce qu'ils connaissent son plan de vie ou parce qu'ils savent qu'est-ce que la personne va faire ou fait déjà dans la société. Le docteur Stephen Greer disait dans l'introduction de la présentation de son film, là, justement, de cette semaine, il dit, vous savez, il dit, moi je suis un urgentologue. Il est devenu un urgentologue, il s'occupe des cas urgents dans les hôpitaux. Là, En France, on dit urgentiste. Urgentiste, bon. Alors, il dit, je suis un urgentiste, peut-être... Savait-il qu'un jour je serais un urgentiste, mais j'ai quitté la profession pour m'occuper maintenant de l'urgence de la planète Terre. Et c'est la raison pour laquelle il est devenu un écologiste de première ligne. Mmh. Alors, Stephen Greer dit, voyez-vous, les talents que j'ai développés dans ma profession, ben, ça m'a donné une crédibilité sociale. Mmh. Et maintenant, je les applique à la compréhension du problème planétaire. Et je pense que tous ceux qui évoluent dans le phénomène extraterrestre, s'ils n'ont pas d'ego, et ça c'est très important, je pense que c'est votre cas, Bob, je sens pas du tout que tu as un ego de vouloir te mettre en valeur et tout ça, c'est sûr. C'est ça, c'est pas important. Ah bah c'est pas le but des émissions, c'est justement écouter les gens qui sont là. Moi, si je vous, c'est pas moi, on vient pas m'écouter moi. On vient écouter les gens que j'interroge et que je reçois. Bon, regarde, vois-tu, en 1976, quand j'ai débuté mes émissions, quelques mois avant, au mois d'août, on m'a invité dans la nuit, j'étais à Brossard, j'avais une maison à Brossard, en banlieue très proche de Montréal, juste de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, et là, je suis parti de là en pleine nuit, et avec mon sac à dos, je suis monté sur la montagne du Mont-Saint-Hilaire, où je demeure maintenant, et j'ai rencontré des extraterrestres qui m'avaient averti, maintenant, ta vie va changer, tu vas être vu... Et tu vas être connu, plus vu et plus connu que l'animateur de télévision le plus vu et le plus connu. À l'époque, c'était Réal Giguère. Mmh. Alors, c'est un peu comme Philippe Bouvard. Si on... Oui, oui, oui, d'accord. Bon, maintenant, la population ne sait plus c'est qui Réal Giguère. C'est oublié. Mmh. Mais Richard Glenn est toujours là. Mmh. Et je te jure que c'est pas la cote d'écoute qui va te faire gagnant. Mmh. C'est l'amour du public. Mmh. Les gens qui vont apprécier le grand risque que tu auras pris socialement de t'intéresser. Là, tu n'es pas encore engagé dans rien. Là, tu es juste intéressé. Ouais. Tu n'imposes pas rien. Mm. Mais tu n'as pas encore la parole pour dire, voici, là, vous m'interviewez à 67 ans. Depuis l'âge de 30 ans, je suis dans ce milieu-là. J'en ai vu de toutes les couleurs. Ouais. Et je peux maintenant m'exprimer en disant, je pense ça. Bien sûr. Mais au début, je ne pensais rien. Ben bon, bien sûr. Faisant parler le monde. Et on apprend en faisant parler le monde. Exactement. Et à la longue, on finit par découvrir qui sont les meilleurs invités qu'on a reçus au cours des années et ceux qu'on peut référer à d'autres en disant « Oui, allez vers lui, ça va être bon. » Et il y a plein de gens qui ont fait des carrières suite à l'écoute de mes émissions. On parlait de Gad Elmaleh. Il a avoué à l'émission, tout le monde en parle ici au Québec, qui est une émission connue en France, là, mais qui est une production ici sur la télévision d'État, Radio-Canada. Ouais. Il est allé dire qu'il a appris le français à l'écoute d'ésotérisme expérimental, le langage à la québécoise, et il nous suivait. Il est venu me voir dans une de mes émissions. Mais c'est pas Gad Elmaleh qui a dit qu'il avait appris, justement, c'est ça, hein, en écoutant Richard Gere. Ouais, c'est Gad Elmaleh, ouais, qui a dit qu'il avait appris l'accent en vous écoutant. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Vous allez voir, il y a des gens qui n'ont pas d'intérêt dans les autres stations parce que c'est pas ça qui les intéresse. Mais là, là, vous allez toucher quelque chose. Des gens qui, à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, ont vécu quelque chose avec le paranormal, que ce soit les fantômes, que ce soit le phénomène extraterrestre, que ce soit une décorporation comme vous avez vécu personnellement, ils vont chercher des explications, ils vont écouter les gens que vous allez recevoir et vous allez vous poser les questions que le public se pose. Bien sûr, bien sûr. Dites-moi, Richard, on va être malheureusement obligé de se quitter parce qu'on arrive presque au terme de cette émission. Il nous reste 40 secondes. On parlait des hommes en noir. Est-ce que vous les avez identifiés, ces hommes en noir, qui semblent être une autorité, en tout cas l'œil de Moscou? Je vais vous dire, je vous ouvre juste le coin du voile en vous disant, à l'époque de Adolf Hitler, il y avait des contacts avec des extraterrestres. Ils avaient un réseau de sécurité, les SS, la Gestapo. Mm-hmm. Les hommes en noir, c'est la mise à jour de ce qu'on appelait la Gestapo. Wow. Ah ben donc ils ne font pas affaire avec la même obédience qu'à l'époque d'Hitler. Mais on pourra en reparler un jour. Bien sûr. Eh bien, en tout cas, Mathieu, si tu les revois, il faut faire attention. Richard Glenn est avec nous ce soir en direct du Québec. Richard, mille merci de nous avoir fait part de votre expérience. Ça a beaucoup parlé, mon Elliot, sur la page Facebook. Hein. Oui, il y a beaucoup de personnes qui remercient Richard pour son témoignage. Voilà, vous irez voir sur la page Facebook, Bob, vous dites la vérité. On a beaucoup parlé de vous. En tout cas, je voudrais mille fois vous remercier. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi j'en ai eu à discuter avec vous. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. fois. Non, bah, vous êtes le bienvenu et on aura l'occasion de, bien sûr, de converser une nouvelle fois et de nombreuses fois, j'espère. Quel est le temps aujourd'hui du côté du Québec? Il faisait un beau coin aujourd'hui. Ah, bah, beau coin joli, ça veut dire qu'il fait... Un 23 degrés, plein soleil aujourd'hui ici au Québec. Comme nous, bah ouais. Voilà, comme nous. Et alors je vais vous dire une chose, quand il fait beau en France et au Québec, c'est paranormal. Ça paraît normal. Ouais, ça paraît normal. Passez en tout cas une excellente fin d'après-midi chez vous et puis à très bientôt Richard. Et bonne nuit, bon rêve chez vous. Salut, et je vous rappelle que vous pouvez aller voir hein, son site